بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence le cours numéro 113 dans l'explication de Kitab al-Tawhid, le sharh de Kitab al-Tawhid, Qurrat Uyun al-Muwahhidin du Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, avec les commentaires de Sheikh Salih al-Fawzan, Hafizahullah ta'ala. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre, c'est le chapitre numéro 12 qui s'intitule Babun fi shirki Babun min ash-shirki al-isti'azatu bi ghayrillah. Babun min ash-shirki al-isti'azatu bi ghayrillah. C'est-à-dire le chapitre au sujet du fait que parmi les choses qui font partie du shirk, il y a le fait de chercher refuge en autre que Allah. Le fait de chercher refuge en autre que Allah. Al-isti'aza, yani, ça veut dire yani, demander la protection. Al-auz, comme on va l'expliquer. Et comme quand on récite le Coran, au début de la récitation, on dit a'ouzu, hein, a'ouzu, même dans la salat, on dit a'ouzu billahi minash shaitanir rajim. Donc quand tu dis a'ouzu, eh bien c'est le verbe yani, du mot al-auz, qui signifie yani, chercher refuge. Quand tu dis al-isti'aza, ça veut dire chercher le refuge. Donc, dans ce chapitre, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a cité un verset et il a cité un hadith. Donc, on va lire ensemble le verset et le hadith, après on va lire l'explication, inshallah. Donc le cheikh il dit wa qawlu Allah ta'ala wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa wa an khawla bint hakim wa bint na'am bint hakim radiyallahu anha qalat sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man nazala manzilan فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. Donc premièrement on va lire la traduction du verset qui est le verset 6 dans sourate al-jin et ensuite on va expliquer ou traduire le hadith. Donc dans le verset 6, Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie « Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. » Donc il y a des hommes qui cherchaient refuge hein, des djinns, ils demandaient la protection des djinns. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens dans certains pays musulmans et dans des pays de kufr, ça c'est connu, hein, chez les animistes qui adorent les djinns. Et ça existe, il y en a des gens qui adorent les djinns, et ils prient aux djinns, et ils demandent le secours des djinns, ou l'aide des djinns, ou ils cherchent refuge hein, en un djinn, ou en plusieurs djinns. Et il y en a aussi ça chez certains musulmans, malheureusement, qui connaissent pas le tawhid, qui connaissent pas l'islam comme il faut. Et donc, ils cherchent refuge en des djinns. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est du shirk. Hein? C'est du shirk majeur qui fait que quelqu'un quitte l'islam. Donc, il faut connaître ces choses-là et c'est très important. Il y a même des groupes dans certains pays musulmans qui ont basé leur adoration fondamentalement et yani, principalement sur l'adoration des djinns. Comme par exemple, au Maroc, il y a des groupes qui s'appellent par exemple Gnawa. Hein? Gnawa qui vient du mot qui vient de la Guinée en fait. Hein? C'est des gens d'origine de la Guinée à l'origine. Hein? Et puis ils ont ramené avec eux des pratiques animistes qu'ils ont voulu mélanger avec l'islam. Ils ont mélangé avec l'islam des formes de sihr et des formes de sorcellerie et de la musique et des danses. Et même que dans certains dans certaines occasions, yani, ils font même des festivals de musique culturelle, puis ils incorporent là-dedans des pratiques des Gnawa. Il y a aussi d'autres groupes comme l'Aïsaouia et beaucoup d'autres également qui ont ce genre de pratiques-là, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on trouve au Bénin et en Haïti et ailleurs aussi, hein, qu'on appelle le voodoo, hein, le voodooisme. Ça ressemble beaucoup à ces pratiques-là, d'accord? Et c'est basé donc sur l'adoration des djinns et des shayatins. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, dans le chapitre 12, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc il dit « Babun min ash-shirki al-isti'azatu bi ghayrillah ». Et le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique ce chapitre. Mais avant de lire l'explication du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, on va lire le commentaire de Cheikh Al-Fawzan sur la signification du titre. Donc Cheikh Al-Fawzan, il dit « Al-isti'azatu talabu al-awz min Allah » واللجوء إلى المستعاذ به والاستعاذة لا تجوز إلا بالله عز وجل لأنها عبادة وجميع العبادات لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل ولوحظ في هذا مسألة كثر السؤال عنها وهي الذين يقرؤون على المرضى ويسمونهم أهل الرقية ويقولون نحن نستعين بالجن في كشف المرض أو في الإخبار عن العاين الذي أصاب هذا الشخص ولكن لا نستعين بكفار بل نستعين بمسلمين من الجن هذه مقالة فشت الآن وهي مقالة باطلة ولا يجوز الاستعانة بالجن مطلقا لقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن وهذا من الاستعاذة بالجن ولم يفصل بين مسلمهم وكافرهم وفي قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض فبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فالله جل وعلا أنكر على الجن والإنس ما يحصل بينهم من الاستعاذة والاستعانة ولم يفصل بين مؤمنهم وكافرهم بل توعد بالنار وقال النار مثواكم خالدين فيها فاستمتاع الجن بالإنس أن الإنس يتقربون إليهم ويعظمونهم واستمتاع الإنس بالجن أن الجن يحققون لهم أغراضهم التي يطلبونها منهم لأن الجن عندهم مقدرة ليست عند الإنس فإن استعانوا بهم خدموهم ولكن في مقابل الشرك والكفر بالله والجن لا يخدم إنسي إلا بمقابل وهذا باب لا يجوز فتحه بل يعني من يدرينا أن هؤلاء مسلمون فالحاصل أن هذا باب يفتحه هؤلاء الذين يدعون الرقية من أجل الاستغلال واستنزاف أموال الناس ولا يجوز أن يفتى بجواز هذه المسألة لأن هذا يفتح الباب للشرك بالله عز وجل. On va traduire jusqu'ici, après on va continuer inshallah. Donc al-isti'adatu, le terme isti'ada, c'est la forme en arabe qu'on appelle istif'al, hein? Istif'al, et ça veut dire yani talab al-shay, yani le fait de rechercher quelque chose ou de demander quelque chose, hein? Et donc al-isti'adha, c'est talab al-auz, de demander al-auz, c'est-à-dire le refuge et la protection, donc de se réfugier, hein, vers celui chez qui on cherche la protection et le refuge. Et il n'est pas permis de se réfugier ou de chercher le refuge en autre que Allah Azza wa Jal, car le fait de chercher la protection ou le refuge, c'est une forme d'adoration. Et toutes les formes d'adoration doivent être exclusives à Allah, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'offrir une adoration quelconque à autre que Allah, hein, sinon c'est qu'est-ce qu'on appelle du shirk. Et le cheikh, il met une note ici, il dit, on remarque qu'il y a une question qui se pose beaucoup, hein, à notre époque, et c'est à propos de ceux qui récitent la ruqya, ils font la ruqya sur les malades, et on les appelle les gens de la ruqya. Il dit, ces gens-là, ils disent parfois, certains d'entre eux, pas tous, mais certains d'entre eux, ceux qui ne respectent pas la sunna, ils disent, nous, on prend l'aide des djinns pour découvrir qui est malade, hein, et de découvrir les maladies, ou pour savoir qui a donné le aïn à telle personne. Hein, et ils disent, on cherche seulement de l'aide des djinns qui sont musulmans. On ne demande pas l'aide des djinns qui sont kuffars. Hein. Et personnellement, j'ai déjà entendu sur Internet, il y a certains qui prétendent même utiliser l'aide des djinns, même parmi les kuffars. Hein? Allah al-musta'an. Donc il y en a un en particulier qui s'appelle Ben Halima, hein? C'est d'origine tunisienne, et il fait des vidéos sur YouTube, et il fait un genre de cinéma avec des personnes là qui font semblant d'être possédées, et puis il dit que les djinns de ces personnes là ils se convertissent à l'islam, et puis qu'ils sont des, comme ils appellent ça, des capteurs, hein, de djinns, ou je ne sais pas quoi, le captage de djinns. Donc ils prétendent que ces djinns-là peuvent les aider à découvrir ou à trouver la source de la sorcellerie et des choses de ce genre. Yani, ala kulli hal, tout ça, comme le cheikh il va l'expliquer, ce n'est pas permis. Et ça rentre même dans le shirk. Hein, dans le kufr. Donc ici le cheikh il dit, donc ces gens-là, hein, ils demandent l'aide des djinns. Et ils prétendent que c'est pas l'aide des kuffars, juste l'aide des musulmans parmi les djinns. Et il dit, cette parole-là, elle a été propagée partout, mais on entend ça beaucoup maintenant. Hein. Mais il dit, c'est une prétention qui est fausse, parce qu'il n'est pas permis, hein, à un musulman de chercher l'aide des djinns de façon absolu. C'est-à-dire que c'est absolument interdit pour les êtres humains d'entrer en contact ou de chercher à rentrer en contact ou de demander de l'aide du monde des djinns. Et la preuve, c'est le verset 6 dans Surat al-Jinn, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, et il y avait des hommes, hein, parmi les humains qui cherchaient le refuge et l'aide, hein, chez les mâles parmi les djinns. Et ça ne fait que les augmenter en détresse. Et on va voir pourquoi. Il dit, le fait que ces hommes-là cherchent refuge en certains d'entre les djinns, on voit que Allah Azza wa Jal les a blâmés d'avoir fait ça. Et non seulement il les a blâmés d'avoir cherché le refuge dans les djinns, mais il n'a pas distingué. Il n'a pas fait de distinction entre est-ce que ce sont des djinns humains, est-ce que ce sont des djinns musulmans ou mécréants. Donc c'est pas important de savoir s'ils sont musulmans ou non. Du moment que tu rentres en contact avec des djinns ou que tu cherches l'aide des djinns, eh bien ça, c'est déjà, t'es tombé dans, hein, qu'est-ce qui est interdit. Et il cite le cheikh un verset à ce sujet dans Sourate Al-An'am, les versets 128 et 129, dans lesquels on voit clairement que Allah Azza wa Jal condamne, hein, les hommes et les djinns qui entrent en contact les uns avec les autres. Et il mentionne à ce sujet justement ces versets-là, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, et le jour où il les rassemblera tous. Le jour où Allah Azza wa Jal va rassembler tous les hommes et tous les djinns, il va dire, ô communauté de djinns, vous avez trop abusé des humains. Et leurs alliés parmi les humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira, l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement. Sauf si Allah en décide autrement, vraiment ton Seigneur est sage et omniscient et ainsi accordons-nous à certains injustes le pouvoir sur d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont acquis comme péché. Donc ici, on voit clairement que Allah Azza wa Jal, il dit aux hommes et aux djinns qui rentraient en contact les uns avec les autres et qui essayaient de profiter les uns des autres, il leur dira, l'enfer est votre demeure pour y demeurer éternellement. D'accord? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuse pour ces gens-là s'ils font ce genre de connexion où ils essaient de rentrer en contact avec l'autre monde, le monde des djinns, pour essayer de leur demander des services. Et c'est exactement ce que font les voodooisants en Haïti, et ça, on en connaît quelque chose, c'est-à-dire en particulier, moi, puisque il y en a dans ma famille, et même dans la famille de beaucoup de gens que je connais, il y a des gens qui pratiquent ces choses-là, et ça rentre dans le shirk. Et beaucoup d'entre les jeunes, maintenant, il y a beaucoup de jeunes haïtiens qui essaient de faire de cette pratique-là ou de cette croyance-là une chose qui est à la mode. Maintenant, c'est rendu comme ça. On entend beaucoup de jeunes qui réclament leur comme si, en voulant dire, ils se vantent de ça ou ils essaient d'en faire quelque chose qu'ils réclament, yani, culturellement, puis qu'ils prétendent que ça, c'est leur identité, puis ils disent, comme s'ils veulent en faire quelque chose de cool et d'acceptable, parce que ils disent, auparavant, le voodooisme était mal vu, parce que, à cause de la religion catholique, et en voulant dire que c'était la culture des Blancs, et là, nous, on revendique maintenant notre patrimoine culturel et nos croyances, en voulant dire que ça, c'est notre religion, le voudouisme, et puis c'est aussi, en voulant dire, eux, ils disent, c'est aussi légitime d'être voudouisant que d'être catholique, il n'y a pas de différence. Alors qu'en réalité, les deux sont des égarements, puisque la religion catholique, la religion chrétienne en général, c'est basé sur le shirk, l'adoration de Jésus et de Marie et des saints, et la religion voodooiste, qui est l'adoration des djinns, c'est la même chose, c'est du shirk. Peu importe qu'est-ce que tu adores en dehors d'Allah, ce que tu adores en dehors d'Allah, c'est du shirk, et ça reste du shirk, donc l'idolâtrie et de la mécréance. Et d'ailleurs, beaucoup de pratiquants voodooisants, à l'époque de l'esclavage, ils ont utilisé la ruse justement pour pas se faire attraper, parce qu'il y avait le code noir en Haïti qui est connu. Le roi de France, puis même Napoléon aussi, il a repris ce code-là par la suite, qui interdisait aux esclaves de suivre une religion autre que la religion catholique. Et si un esclave était attrapé, par exemple, en train de pratiquer le voodooisme ou bien l'islam ou n'importe quelle autre religion, il allait être tué. Il allait être tué. Et donc, en tout cas, les voodooisants, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont essayé d'incorporer l'adoration l'adoration des lois, ce qu'ils appellent les lois, qui sont les djinns. Ils les ont incorporés à l'adoration des saints dans la religion catholique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont donné à leur djinn des noms de saints catholiques. Et donc, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que, en apparence, quand tu regardes, tu as l'impression que ce voodooisant-là est en train de prier. à un saint catholique, alors qu'en réalité, il est en train de prier telle ou telle loi, hein, loi, c'est-à-dire qui s'écrit L-O-A, hein, qui est c'est le nom que les voodoosins donnent aux djinns qu'ils adorent en dehors d'Allah. Hein. Et ça, yani, bien entendu, ça vient c'est des pratiques qui viennent de l'Afrique. Et c'est pas seulement en Afrique, même en Asie et ailleurs aussi, il y a des gens qui ont ces formes d'animisme-là. Hein. Donc, c'est une religion qui est basée sur, disons, le fait de comme si tu as besoin de quelque chose, tu demandes au djinn. Et pour que le djinn t'aide, il faut que tu lui donnes quelque chose en échange. Donc, c'est une religion qui est basée sur des intérêts et des échanges. Donc c'est pour ça que les gens qui pratiquent ces religions-là sont très basés sur les échanges et le fait de vouloir donner quelque chose pour recevoir quelque chose en échange. Et c'est ça leur relation qu'ils ont avec leur divinité. D'accord? Donc pour eux, la divinité, elle va pas te servir sauf si tu lui donnes quelque chose en échange. Donc c'est une religion qui est très très matérialiste, si on veut. Hein? C'est des échanges qui sont très basés sur l'intérêt, en fait. Hein? Tu comme si en voulant dire pour ces gens-là, leur divinité va pas venir à leur service ou les aider sans que ce soit en échange de quelque chose. Alors que en islam, on sait très bien que Allah Azza wa Jal, hein, et il nous demande rien en échange de notre adoration. Et quand on l'adore, c'est pas pour lui. Hein. Notre adoration ne lui sert à rien. C'est pour nous-mêmes. Hein. C'est pour nous-mêmes que quand on adore Allah, c'est pour notre bien à nous-mêmes. C'est pas pour ajouter quelque chose à Allah Azza wa Jal. Donc, si vous regardez dans le panthéon des voodooisants, ok, ils ont associé chaque personnalité de la religion chrétienne catholique à un djinn qu'ils adorent. Donc, par exemple, Jésus, eh bien, ils lui ont attribuer par exemple un djinn qu'ils appellent l'Anglansou, hein, ou bien Olofi, c'est comme ça qu'ils les appellent, qu'ils l'appellent. Et par exemple, d'autres comme Saint Antoine, c'est le loi qui est associé à ce saint-là, c'est Legba. Et Sainte Barbara, c'est Urzuli. Par exemple, Saint Jacques, c'est Ougoun. Hein, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Loco. En tout cas, il y a plein d'autres. Il y a Dambala. Il y en a un qui c'est Saint Patrick. Il l'appelle Dambala. En tout cas, selon différents rites, parce qu'il y a aussi différents rites voodooistes. Même en Haïti, il y a dans différentes villes, il y a différents rites. À la Kulihal, on n'est pas là pour faire un cours sur le voodooisme, mais c'est intéressant et c'est important de connaître ces choses-là. Si tu fais la da'wa, hein, que tu invites ces gens-là à l'islam, hein, pour qu'ils soient convaincus de la vérité, eh bien, il faut avoir des connaissances sur leurs croyances et sur leurs pratiques pour être capable de les réfuter. Et pour être capable de leur montrer la fausseté de leur religion, de leur croyance et de leur pratique. Parce que si tu connais rien de leur religion, eh bien, tu risques de pas être capable de leur transmettre le message correctement. Et donc, c'est très important. Hein? Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il leur a dit, je t'envoie vers des gens du livre. Hein? Alors sache que c'est des gens du livre. Quand tu vas leur adresser la da'wah, tu dois savoir quelles sont leurs croyances, quelles sont leurs pratiques, quelles sont les croyances qu'ils ont qui sont en contradiction avec le tawhid en premier. Donc ça, c'est très important. Donc des gens, ils disent, mais à quoi ça sert de savoir les religions des autres ou de connaître la croyance des autres ou la pratique des autres? Hein? Eh bien, ça sert à ça. Ça sert à pouvoir leur apprendre comme il faut et leur expliquer, leur transmettre comme il faut le message de l'islam. Hein? Même tu parles avec des si quelqu'un, par exemple, qui est musulman, il connaît des gens qui sont de la Chine ou qui sont de la Corée ou qui sont du Philippines ou qui sont d'ailleurs, peu importe d'où ils viennent. Hein? Même aux Philippines, il y a des pratiques comme ça, un peu comme le voodooisme, là, il y a des choses comme ça. C'est des choses qui existent partout, ces choses-là. Donc, même par exemple en Haïti, les gens se disent catholiques, mais au fond, en dessous, ils sont voodooisants. Donc, ça, c'est des réalités culturelles. Si tu ne les connais pas, tu ne vas pas comprendre réellement comment ces gens-là pensent, comment ces gens-là vivent. Hein? Tu veux parler avec des gens qui viennent de l'Inde, qui sont hindouistes. Tu dois connaître un petit peu de leurs croyances, de leurs pratiques, pour être capable de leur faire comprendre le tawhid et l'islam. Donc, ça, c'est de cette façon que les musulmans ont toujours été ouverts à connaître, à apprendre les autres cultures, à apprendre qu'est-ce que les autres ont pour être capable justement de leur faire assimiler la vérité plus facilement et de leur clarifier les choses de façon plus claire. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Et même ça, c'est pas seulement les croyances religieuses, mais même les croyances ou les idées, les idéologies modernes, hein, les idéologies, les théories modernes, que ce soit des théories athées ou laïques, ou également des trucs, en tout cas, n'importe quelle idéologie, hein, de façon générale. Si tu veux convaincre quelqu'un et tu veux lui expliquer la vérité de l'islam, il faut savoir qu'est-ce qu'il pense. Il faut savoir en quoi il croit. Et pour être capable de détruire cette croyance, il faut la connaître. C'est impossible de le faire autrement. D'accord? Bien entendu, avant d'apprendre les autres religions et d'apprendre qu'est-ce qu'il croit, il faut d'abord commencer par connaître comme il faut ta propre croyance et ta propre religion, c'est-à-dire le tawhid et l'islam. Si tu ne connais pas la base et que tu te concentres avant tout à essayer d'étudier leur croyance, c'est sûr que là tu vas t'égarer, hein, tu vas te perdre. D'accord? Et même par exemple, on regarde les ulama de l'islam, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et d'autres, qui ont réfuté non seulement les juifs et les chrétiens, et qui ont réfuté des gens qui pratiquaient d'autres religions, ils ont également réfuté des sectes et des groupes parmi les musulmans qui avaient dévié dans leurs croyances. Et ces savants-là ont étudié leurs égarements pour être capables de les réfuter, hein, comme par exemple ceux qui étaient influencés par les philosophes ou par d'autres tendances également. Il les a réfutés. Mais avant de réfuter ces choses-là et avant d'étudier ces choses-là, ils ont commencé par avoir une base extrêmement forte et extrêmement solide. Lorsqu'ils sont devenus des savants dans ces choses-là, eh bien après, ils ont commencé à étudier ces choses-là pour être capables de les réfuter, mais pas avant. D'accord? Donc il ne faut pas sauter les étapes ou brûler les étapes. Donc, on a lu le verset 128-129 dans Sourate Al-An'am. Après, j'ai fait cette parenthèse importante. Et après, le cheikh, il continue. Il dit, Allah Azza wa Jal, dans le verset, il a condamné le fait que les djinns et les hommes se cherchent en aide ou en refuge les uns des autres. Et le fait que Allah Azza wa Jal blâme les hommes qui cherchent le refuge en les djinns, il n'a pas fait de distinction entre les djinns musulmans et les djinns croyants ou les djinns non-croyants. Parce qu'il y a parmi les djinns des musulmans et des croyants. Donc il n'y a pas de différence en réalité. On n'a pas le droit de rentrer en contact ou de demander le support ou l'aide des djinns, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Et à la fin, il les menace de l'enfer. Il leur dit قل, قال النار مثواكم خالدين فيها. C'est-à-dire, le feu, ce sera votre destination, votre refuge. Vous y serez tous dedans éternellement. Et dans le verset, on voit que Allah Azza wa Jal, il mentionne comme les chrétiens, comme les djinns et les êtres humains ont profité les uns des autres, istamta. Donc, qu'est-ce que c'est cet istimta? Qu'est-ce que c'est cet profit, ou ce profit mutuel qu'il y a eu entre les djinns et les hommes, Quand Allah Azza wa Jalla a dit aux djinns qu'ils avaient trop abusé des humains, les humains qui étaient en contact avec les djinns ont dit en réalité on a profité les uns des autres, on s'est utilisé les uns les autres. Et le cheikh explique, il dit c'est parce que les djinns se rapprochaient, les êtres humains se rapprochaient des djinns et les vénéraient, Le profit que les hommes obtenaient des djinns, eh bien, c'est qu'une fois que les hommes se rapprochaient d'eux, et les vénéraient, eh bien, les djinns, eux, à leur tour, remplissaient leurs demandes et exauçaient leurs demandes ou essayaient de venir en, essayaient de leur donner ce qu'ils cherchaient. D'accord? Et ça peut être toutes sortes de choses. Des fois, ils demandent aux djinns, par exemple, de leur donner quelque chose pour une guérison, ou de leur donner, de leur rendre un service en faisant quelque chose à quelqu'un. Et même dans le voodooisme, il y a, par exemple, les ougans, c'est les prêtres voodooistes, ils les appellent des ougans. Puis il y a aussi des bokos, et ça c'est comme des sorciers en fait, ceux qui jettent les mauvais sorts puis des choses comme ça. Donc même ils distinguent entre ces catégories de gens qui ont des contacts avec les djinns, certains pour faire du mal et d'autres soi-disant pour toutes les autres affaires de la vie, d'accord. Et à la kulli hal, yani dans tous les cas, les deux sont yani des mushrikines et des kuffars, que ce soit pour faire du mal ou que ce soit pour faire du bien. Dans tous les cas, tu fais du shirk pour y arriver, donc c'est interdit. Donc c'est des religions qui sont des religions d'égarement, de shirk, de kuffr. Et donc le djinn, quand il vient en aide aux hommes, parce que les djinns ont certaines capacités de faire certaines choses qui dépassent les capacités humaines. Par exemple, la force que les djinns possèdent, la rapidité qu'ils ont, c'est pas la même que celle des humains. Ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus rapides. Et ils sont capables de faire des choses que des êtres humains ne sont pas capables. Donc, quand ils viennent en aide et quand ils rendent service à des êtres humains, après que les êtres humains leur aient demandé ces choses-là, ils vont leur rendre ce service-là. Mais ils vont pas leur rendre le service gratuitement. Il faut qu'ils payent quelque chose en retour. Et en général, c'est pas avec de l'argent qu'ils doivent payer. C'est avec quelque chose d'autre. Et ça peut même aller jusqu'au sacrifice humain. Ça peut être des sacrifices animaux, ça peut être des sacrifices humains, ça peut être beaucoup de choses. Nasrallah al-afiya. Donc, c'est très très dangereux même dans ces choses-là. Et en général, ça implique que tu fasses quelque chose dans lequel il y a un sacrilège ou un kufr ou un shirk ou un blasphème, quelque chose qui contredit la foi. Ils vont pas t'aider en échange de quelque chose d'autre que ça. Parce que l'objectif du shaitan, c'est de faire en sorte que tu deviennes mécréant. Donc, le djinn, il va t'aider uniquement à condition que tu acceptes de devenir un de ses alliés et que tu le suives en enfer. Donc ça veut dire que tu lui vends ton âme. Tu lui vends ton âme en réalité quand tu fais ça. Et le cheikh, il dit, ça c'est en réalité une porte qu'il ne faut pas ouvrir et qui est interdite. Et donc, en même temps, le cheikh, il dit, ceux qui prétendent parmi les musulmans qu'ils font de la ruqya en faisant affaire aux djinns uniquement musulmans, le cheikh, il dit, qu'est-ce qui te dit que ce sont des musulmans vraiment? Parce qu'on connaît une chose, une des caractéristiques des shayatins, c'est qu'ils sont des menteurs. Hein? Ce sont des menteurs. Donc, ils peuvent te dire qu'ils sont musulmans sans l'être réellement. Même parmi les êtres humains, il y a des munafiqins. Donc, est-ce que il ne peut pas y avoir, bien entendu, il peut y avoir aussi des munafiqins parmi les djinns. Hein? Et ils te font croire qu'ils sont musulmans alors qu'ils ne le sont pas. Et même s'ils le sont, s'ils l'étaient réellement, ils sauraient qu'ils n'ont pas le droit de rentrer en contact avec toi. Ils n'ont pas le droit. Hein? Parce que c'est contraire à l'islam. D'accord? Donc, c'est la preuve déjà qu'il y a un problème s'ils te viennent en aide et s'ils viennent ils commencent à te demander des choses ou que tu fasses des choses pour eux et eux, ils te répondent. Donc, le cheikh, il dit, ça, c'est une porte. Ces gens-là qui prétendent faire la ruqya, ils l'ont ouverte dans le but de pouvoir profiter de l'argent des gens. Parce qu'ils le font en échange de l'argent quand ils font des choses comme ça. Donc, c'est pour avoir de l'argent. Donc, eux, ils profitent des ignorants qui viennent les voir, qui leur demandent de l'aide. Alors, eux, ils prennent de ces gens-là de l'argent et ensuite, ils vont voir les djinns et ils demandent aux djinns leur aide, hein, et en échange, ils leur font faire des actes de sacrilège ou des formes de kofr ou de shirk. Et puis, ils leur donnent un service et puis après ça, hein, ils payent les djinns avec quelque chose que le djinn leur demande. Donc, c'est des échanges commerciaux, comme on dit, mais hein, avec ton âme, tu joues avec ton âme quand tu fais ça. Et donc, c'est pour ça que d'ouvrir cette porte, c'est yani, une porte vers le shirk avec Allah. Et il n'est pas permis à quiconque de donner une fatwa pour permettre ce genre de choses. Et le cheikh, il dit ensuite, ومن الذي يضبطه ومن الذي يعلم أن هؤلاء مسلمون كما يقال حتى ولو ثبت أنهم مسلمون الله لم يشرع لنا الاستعانة بالجن ولو كانوا مسلمين ما الدليل على جواز الاستعانة بالجن لا يوجد دليل إلا إن فلانا فعل كذا وكذا فعل هذا ليس بدليل هات دليلا من القرآن على أنه يجوز الاستعانة بالمسلمين من الجن هات دليلا من السنة على أنه يجوز للإنس أن يستعينوا بالمسلمين من الجن لا يوجد دليل فلا تجوز الاستعانة بالأموات ولا بالغائبين والجن من عالم الغيب لا نراهم فلا يجوز أن نستعين بهم وأيضا هم لا يؤمنون على تضليل بني آدم لا يؤمنون على تضليل بني آدم وإغوائهم لأن إمامهم وأباهم الشيطان الأكبر تعهد أن يضل بني آدم وأن يدخل بني آدم معه في النار إذا أجابوه إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير أرأيتك هذا الذي كرمت علي يعني آدم عليه السلام لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا فمن الذي يؤمن المسلمين من بني آدم من شر الجن والشياطين حتى يقولوا هذا مسلم وهذا كافر ويستعينون به والمشكلة أن بعض الناس يصدقونهم في هذا أو بعض الناس أفتوهم بالجواز وهذا غلط وخلل في العقيدة فيجب التنبه له. Donc le cheikh il dit, donc qui te dit que celui qui yani, c'est ça, qui connaît ou qui sait réellement que ces djinns-là sont musulmans comme ils le prétendent, hein? Il dit même si c'était des musulmans, il n'est pas légiféré pour nous de demander l'aide des djinns, même si ce sont des musulmans. Donc, hein, on n'a pas le droit de le faire. Et celui qui prétend que c'est permis de le faire, c'est quoi la preuve? Quelle preuve il a que ça c'est permis? Il n'y a pas de preuve. Le cheikh, il dit, il n'y a aucune preuve qui prouve que ça c'est légitime. Il dit, la seule chose qu'il ramène, c'est qu'un tel a fait ça et un tel a fait ça. Il dit, mais ça, ce n'est pas un dalil, ce n'est pas une preuve. Hein? Il dit donc, donne-moi une preuve dans le Coran qu'il est permis de demander l'aide des djinns musulmans. Donne-moi une preuve de la sunna, hein, qui montre que c'est permis aux êtres humains de demander aux djinns musulmans de les aider. Il n'y a aucune preuve à ce sujet-là. Et donc, ce n'est pas permis. Et les djinns, hein, font partie du monde de l'invisible. De la même manière que les morts, hein, de la même manière que des êtres absents qui ne sont pas présents, ou de la même manière même que les anges aussi. Hein. Le cheikh, il n'a pas mentionné, mais ça rentre aussi dans le monde du raïb, hein, le monde de l'invisible, les anges. Est-ce qu'on a le droit de demander l'aide des anges? Hein? Et on sait que les anges sont tous obéissants à Allah et qu'ils craignent Allah. Hein? Il n'y a pas de mauvais anges, hein? Contrairement aux djinns. Mais est-ce qu'on a le droit de demander l'aide des anges? Ça, c'est du shirk. On n'a pas le droit de demander aux anges de nous aider. Hein? Parce qu'ils ne peuvent rien faire excepté par l'ordre d'Allah. Donc, si quelqu'un, comme les chrétiens par exemple, eux qui prient aux anges, ça, c'est du shirk. Hein? Ils prient à des morts, ou à des prophètes, ou à des saints qui sont morts, ils demandent leur aide. Ça, c'est du shirk. Donc, celui qui demande l'aide des djinns, eh ben, il fait du shirk aussi. Allah al-musta'an. Et qu'est-ce qu'ils font, par exemple, les vaudouisants qui pratiquent ces croyances-là, même les gnawa au Maroc ou ailleurs, yani, qu'est-ce qu'ils font comme shirk, c'est incroyable. Ils font de la musique, des danses, ils rentrent en transe, hein, ils prétendent que bon, les djinns yani, les possèdent, rentrent en eux, et puis à ce moment-là, ils vont faire des sacrifices pour les djinns. Ils font un sacrifice d'un animal ou de quelque chose comme ça. Ils vont prendre son sang, le sang de l'animal, ils vont faire toutes sortes de choses graves comme ça. Hein, toutes sortes de différentes formes de shirk comme ça, Allah musta'an. Et même maintenant, à notre époque, ils n'ont même plus honte de montrer ça, même même sur Internet, ils se filment. Hein, tu trouves des vidéos de voudouisants qui font ces choses-là, yani, Allah musta'an. Et ils le filment et ils le mettent à la caméra. Donc tu vois des choses vraiment dégoûtantes, hein, que ces gens-là font. Hein, et des choses qu'ils font, des atrocités qu'ils font aux animaux, c'est grave. Hein? Donc tout ça pour dire, yani, comme le cheikh il l'explique, il dit, on n'a pas le droit de demander l'aide des djinns. Et il dit, de toute façon aussi, en même temps, on ne peut pas être en sécurité vis-à-vis des djinns, puisque on sait que ils essaient à tout prix d'égarer les fils d'Adam. Et que leur imam, hein, leur père, le shaitan, Iblis, il s'est engagé, hein, il a pris l'engagement d'essayer d'égarer tous les fils d'Adam, hein, le plus de fils d'Adam qu'il peut, et de les faire rentrer en enfer avec lui, s'ils acceptent de le suivre. Donc, comme il mentionne dans le verset 6 dans Sourate Fatir, c'est-à-dire que le shaitan, il ne fait qu'inviter son parti, hein, pour qu'il soit parmi les gens de la fournaise. Il veut amener des gens dans l'enfer avec lui, c'est ça qu'il veut. Et dans Surat Al-Isra, le verset 62, il dit ce qui signifie: as-tu vu celui que tu as honoré, hein, au-dessus de moi ou plus, au lieu de moi, en voulant dire qu'il a été offensé, hein? Iblis, il s'est senti jaloux. Il a été jaloux de Adam, hein? En voulant dire, n'as-tu pas vu? Il dit à Allah, ne vois-tu pas celui que tu as honoré sur moi? En voulant dire qu'il ne mérite pas d'être honoré plus que moi, parce que moi je suis meilleur que lui. Hein? Donc il n'a pas accepté que Adam soit honoré. Et c'est pour ça qu'il est jaloux, et c'est pour ça qu'il veut se venger d'Adam et de sa progéniture, de ses descendants. Et il veut, à cause de ça, les faire rentrer en enfer avec lui. Parce qu'il sait qu'il est maudit. Hein? Et il dit, dans la suite du verset, « La in akhartani ila yawmi al-qiyamati la ahtanikanna dhurriyatah illa qalilan » Donc il dit, si tu me donnes un délai jusqu'au jour de la résurrection, je vais être capable d'attraper et d'égarer le plus grand nombre de sa progéniture, excepté quelques peu d'entre eux. Donc la grande majorité des fils d'Adam, malheureusement, tombent dans son filet, hein, excepté un petit nombre. Et donc... Donc, qui est-ce qui donne aux musulmans, hein, cette sécurité, hein? Qui est-ce qui donne aux êtres humains cette sécurité du mal des djinns et des shayatins pour dire que celui-là c'est un musulman, celui-là c'est un kafir, et de chercher son aide, hein? Ils peuvent mentir. C'est connu qu'ils sont des menteurs. Hein? C'est connu qu'ils sont des menteurs. Donc, s'ils te disent qu'ils sont des musulmans, puis après, ils te laissent faire des choses en échange de services pour eux, ça, c'est la preuve que ce ne sont pas des musulmans, ce sont des munafiqines. Parce que si c'était des musulmans, ils ne pourraient jamais accepter ça. Ils savent que c'est interdit. Et le problème, c'est qu'il y en a des gens qui les croient. Hein? Et il y a même des gens qui... émettre des fatwas pour permettre ce genre de choses. Et ça, c'est de l'erreur. Hein? Et c'est un grand problème, une grande défaillance dans la aqida d'une personne. Il faut donc faire attention à ce genre de choses. C'est très grave. Donc, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, quand il explique, il commence, il dit justement « Al-isti'adatu al-iltija'u al-i'tisam » والعائذ قد هرب إلى ربه والتجأ إليه مما يخافه عموما وخصوصا قال ابن القيم رحمه الله وما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة انتهى كلامه وقد أمر الله عباده في كتابه بالاستعاذة به في مواضع كقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وفي المعوذتين وغير ذلك فهي عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله كغيرها من أنواع العبادة. Donc ici le cheikh il explique que le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, on va terminer avec ça, il dit le fait de chercher le refuge, hein, c'est yani al-isti'adha, ça veut dire de demander le refuge et de chercher, hein, l'aide. Hein? Et il dit, donc la personne qui demande l'aide, le refuge, hein, et la protection, eh bien, il s'enfuit vers son Seigneur. Il s'enfuit, hein, vers son Seigneur et il se réfugie auprès de lui, hein, vis-à-vis de, ou bien par rapport à ce qu'il a comme crainte, de façon spécifique ou de façon générale. Peu importe la crainte qu'il a ou la peur qu'il a, il se réfugie et cherche la protection de son Seigneur contre ce dont il a peur. Et il cite une parole de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui dit « Ce qu'il y a dans le cœur comme recherche de refuge et de protection auprès d'Allah et de, yani, de se jeter devant Allah Azza wa Jal avec notre besoin, hein, et notre pauvreté et notre humilité. » Il dit, tout ça sont des choses qu'on ne peut même pas exprimer avec des mots. Hein, en voulant dire, ce sont des adorations, ça c'est une adoration, et ce sont des sentiments et des émotions qu'on applique et qu'on exprime, et c'est des choses qui sont trop grandes pour être expliquées par des mots. Hein. Ça, c'est la fin de la citation, et il dit que Allah Azza wa Jal, il a ordonné à ses serviteurs dans son livre de chercher le refuge en lui dans plusieurs endroits dans le Coran. Entre autres, dans Surat Al-A'raf, le verset 200. Donc, à la fin de Surat Al-A'raf, Allah Azza wa Jal, il dit, « Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. » Donc ça, c'est un exemple. Aussi dans Surat Al-Nahl, c'est-à-dire les abeilles, ou l'abeille, dans Surat Al-Nahl, le verset 98. Allah Azza wa Jal, il dit, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le shaitan banni. Donc ça fait partie des ordres d'Allah, où il demande à ses serviteurs de chercher la protection, sa protection. Hein, quand on récite le Coran et de façon générale lorsque on est tenté, hein, par le shaitan. Et c'est, si Allah Azza wa Jal nous ordonne de faire cela, c'est la preuve que c'est une adoration de le faire. Et on n'a pas le droit d'offrir cette adoration-là à quiconque en dehors d'Allah. Parce que ça fait partie des adorations. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, Shara'a Allahu l'isti'adha bihi subhanahu wa amara bidhalik. في قوله فاستعذ بالله وعند نزغ الشيطان وعندما يريد المسلم تلاوة القرآن وفي سورتي المعوذتين. Oui, c'est ça. J'avais oublié aussi ce point-là. Hein? Dans les deux معوذتين. قل أعوذ برب قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. Il y a aussi le fait de chercher refuge dans ces versets-là aussi. Et il dit donc que Allah Azza wa Jal, Cheikh Al-Fawzan, il dit, Allah a donc légiféré le fait de chercher refuge en lui et de chercher sa protection. Dans plusieurs versets dans le Coran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, hein, lorsqu'on récite le Coran et lorsqu'on est tenté par le shaitan, et aussi dans Al-Mu'awwadhatayn, c'est-à-dire قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, je cherche refuge en Allah contre le Seigneur. Je cherche refuge en le Seigneur de l'aube naissante. Et je cherche refuge en Allah, le Seigneur des hommes. Je cherche refuge en le Seigneur des hommes. Donc Allah Azza wa Jal, il ordonne dans ces versets de chercher le refuge en le Seigneur de l'aube naissante et le Seigneur des hommes, c'est-à-dire en Allah Azza wa Jal. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera la suite au prochain cours. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.